C'est merveilleux, l'amour de Dieu. Et c'est merveilleux, l'amour de Dieu. Et c'est merveilleux, toujours qu'est l'amour. Amour de Dieu, amour de Dieu, amour. Et c'est merveilleux, l'amour de Dieu. Et c'est merveilleux, l'amour de Dieu, amour. Et c'est merveilleux, ah, quel amour. Comment il est si haut. On peut démonter, il est si bas. On peut renverser, il est si large. On peut contourner, il est si haut. On peut surmonter, il est si bas. On peut renverser, il est si large. On peut contourner, quel amour. Dieu merveilleux, notre Père céleste, nous venons devant toi humblement pour te sanctifier et te glorifier, pour te servir et t'adorer, pour t'écouter et t'obéir. Merci pour toutes bonnes choses que tu accomplis à notre faveur depuis l'œuvre grandiose de Golgotha et à travers la marche de l'église dans les Saintes. Au courant de toute l'histoire, tu as confirmé ta parole. Tu n'as pas délaissé ton peuple. Tu n'as pas négligé ton église. Tu as été avec eux dans les moments de détresse et dans les moments de joie. Tu as été leur consolateur, le guide et la bonne direction. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous nous appuyons sur ton nom. Nous revenons à ton trône pour obtenir les secours nécessaires pour la marche. Une force nouvelle, chacun en a besoin. Parle-nous Seigneur et brise les formalismes, brise tous les systèmes établis. Nous voulons quelque chose de ta part, car tu es un Dieu réel, le grand Je suis. Tu agis chaque jour et partout dans l'univers. Tu soumets toutes choses à ta volonté. Pardonne les péchés de ton peuple, les pensées négatives, tous les sentiments faux. Nettoyez-nous au nom de Jésus. Et que par ton sang précieux, nous soyons accueillis en ta sainte présence et apprêtés pour le retour de Christ. Nous ne connaissons pas les jours ni l'heure, nous n'avons pas l'année, mais nous savons que ta parole l'a dit. Nous reviendrons certainement. Mais nous voulons être prêts à tout moment, à tout instant, pendant que les signaux sont au rouge. Le signal rouge signe de ta venue. Réveille ceux qui dorment, Seigneur. Réveille ceux qui s'alourdissent. Secours-nous, mon Dieu. Que chacun soit debout. Éveillé. Fervent. Attaché à Dieu pour pouvoir avancer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions ici pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu ici dans la Sainte Bible. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous prenons le verset 15 à 18. Jean chapitre 8, verset 15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Amen. Nengai na kosambisa moto te. Soko ngai nde na kosambisa. Ekateli na ngai ezali sembo. Pwete nazali bobele ngai moko te. Kasi biso na motili na ngai. Kasi na mindeko na bino mpe ekomami ete. Mitatoli na bato mibale ezali sembo. Ngai nazali kotatola pona ngai moko. Mpe tata motili na ngai zali kotatola pona ngai. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Après, il y a des gens qui ont été en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire en train de se faire. Yesu azongisi ye ete esengo na yo Simona mwana Yona nzambi mosuni mpe makila emonisi yango na yo te kasi tata na ngai na likolo. Exode chapitre 23 verset 1. Exode mukapo etumi bale na misatu mulongo ya yambo. Tu ne répandras point de faux bruit. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Oko tondola lisolo na lokuta te. Oko sangana na moto mabe te pona kotatola na lokuta. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Que tenza ma pambola bo tangia lo banaimo santo. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Pour bien le convaincre la combo na kolo na Jésus. Nous souhaitons la bienvenue à chacun de vous. Vous allez kotombe na moko na moko na bino boy mala. À la table du Seigneur. Awa na mesa na kolo. Dans la maison de Dieu. Na kati na ndako na nzambe. Je pense que chacun a adressé un mot de prière à Dieu. Il a eu à préparer ce moment de culte. Pour que son âme, l'unique qu'il a, reçoive de la part de Dieu une bonne part. La portion que Dieu a prévue pour cette âme. La meilleure portion que nous souhaitons. Les bonnes choses du ciel de Dieu. J'espère que la foi se porte bien au-dedans de chacun de nous. Et cette foi n'est pas malade, ni affaiblie, ni troublée, ni déçue, mais qu'elle est debout, en position de force pour combattre le bon combat de la foi avec détermination jusqu'au bout pour remporter le prix, la couronne que le Seigneur réserve à ceux qui l'aiment. Que Dieu bénisse tous les croyants parce qu'il avait promis de bénir ceux qui auraient la foi d'Abraham. Je prie que Dieu bénisse tous les croyants. Amen. Ceux qui ont la foi comme celle d'Abraham. Le que Dieu les bénisse. Nous allons poursuivre notre sujet ce soir. Sachant que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur foi. Ils n'avancent pas en s'affaiblissant. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur foi. La grâce de grosses nouvelles devant Dieu. Alors, notre sujet, c'est comment éprouver le ministère de la parole. Et nous avons pour penser les trois questions bibliques pour identifier le ministère. Mais quand il s'agit d'un ministère de la parole, les réponses que nous allons donner à chacune de ces questions doivent être des réponses paroles. Ce n'est qu'alors que nous pourrons dire que la réponse que nous avons donnée, elle est correcte, elle est vraie. Parce que Dieu a déjà tout écrit pour nous. Il ne veut pas que nous puissions inventer des doctrines. Que nous puissions fabriquer des croyances. Dieu veut que nous puissions répéter et garder sa parole. Ici, dans sa parole, il avait dit quelque chose. Dans les Proverbes 22, le verset 19 à 21. Proverbes 22, verset 19 à 21, c'est un passage que vous, certains d'entre vous connaissent. C'est la première fois que nous le lisons ici. Nous avons la parole de Dieu qui demeure éternellement. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Reçois cette instruction s'il te plaît. N'oublie pas cette directive s'il te plaît. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Voilà l'instruction que le Seigneur te donne. Il ne faut pas considérer que tu es abandonné dans la nature pour être un philosophe, un libre penseur. Tu es appelé à la fois, t'as équipé. Il a donné la matière qui te servira de base pour la réflexion. Tu ne peux pas épouser n'importe quelle philosophie. Emprunter n'importe quelle voie. Adopter n'importe quelle pensée. Suivre n'importe quel courant doctrinal. Dieu t'a indiqué la voie à suivre. Dieu t'apprend la manière de réfléchir. Dieu te donne de vrais et de bons conseils. Un conseil incontestable. Qui ne peut que produire du bien dans ta vie. Il nous faut chacun suivre ce conseil-là. Non pas emprunter la sagesse coutumière. Mais nous avons la parole inspirée de Dieu. Qui est déjà éprouvée. Qui est établie dans les cieux pour l'éternité. Qui ne changera jamais. La parole du Seigneur demeure éternellement. Comme il est écrit dans la Bible. Pour toi. N'ai-je pas déjà mis par écrit des conseils et des réflexions? Donc même notre façon de réfléchir, on ne va pas emprunter les cours de philosophie, de géographie, de zoologie botanique, ou certains syllabistes de médecine, ou du droit, pour réfléchir comme les hommes du droit. Mais nous devons nous baser uniquement et essentiellement sur la parole écrite de Dieu. Votre manière de réfléchir doit être de la parole. Amen. Et le conseil que nous pouvons nous transmettre les uns aux autres, doivent provenir aussi de la parole. Il croit ça comme ça. Donc je n'ai pas besoin de théâtre de chez nous. Des conseils sont dits. Il y a vraiment des conseils sûrs, hein, qui ne soient pas critiquables, qui ne soient pas comparables à un cri que foutu, qui a dit, ou si vous osez mettre votre véhicule sur ce cri, il va tomber. Le cri va se déprécier. Personne n'est de manipuler. Vous mettez la et vous ne savez plus rien faire. Les conseils les plus sûrs sont déjà écrits dans la parole. Et c'est la carte de demain. Fouillons ça, cherchons ça. Méditons ça. Fouillons ça. C'est dans la parole. De conseils et de réflexions. Il est déjà écrit. Et c'est pour lui. Pour toi. Pour Dieu dit pour toi. Toi là qui. Toi qui continues encore être disciple de théâtre de chez nous. Des films d'action. Ça ne veut pas être à toi. Et tu toi là, c'est toi qui t'attends à Dieu. Tu veux reposer toute ta confiance sur l'Éternel. Comme cela était dit d'avance au verset 19. Que ta confiance repose sur l'Éternel. Tu ne vas pas mettre ta confiance dans les théâtres. Dans les films nigériens. Ou le film d'action. Ah, ça, il y a des karaté. Ah, bah, karaté. Pas ça. Y a comment de la boxe, du self-défense. Y a boxe. Pas tout ça. C'est le judoka. Judoka. Tu ne vas pas mettre là ta confiance là-bas. Mais ta confiance en Dieu, c'est tout ton cœur. Ah, mais... Oh, je vais savoir que tu crois ça, hein. Mais ah, nous ne sommes pas en train de tourner les pouces. La Bible dit dans Proverbe 3 parenthèses ici. Le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3 verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Non pas une partie du cœur est dans la science, une partie du cœur est dans la Bible, une partie du cœur dans les philosophies, une partie du cœur dans les coutumes. Pas ça! Sortez votre cœur de toutes ces niaiseries-là. Toutes ces choses bizarres et sans forme. Venez dans ce livre. La Sainte Bible, qui est l'absolu de Dieu, l'absolu de tous les chrétiens, l'absolu du prophète Zanam. Il y a des conseils sûrs ici. Les choses les plus crédibles, les plus durables, les plus éternelles sont écrites ici. Ne mélangez pas. Que votre foi ne soit pas mélangée. Dieu parle et votre intelligence parle. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Amen. C'est deux choses diamétralement opposées. Toi, tu as ta confiance en Dieu de tout ton cœur et tu ne comptes que sur ce que Dieu dit sur sa parole. Parce que l'homme ne vit pas de peur seulement, mais l'homme doit vivre les toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Ou soit tu n'es pas de cette catégorie, mais tu es de ceux qui s'appuient sur leur intelligence. Et pour ceux qui s'appuient sur leur intelligence, ils prendront un peu de la Bible, un peu de roman là-bas, un peu de la coutume ici, un peu aussi des sciences. Là, c'est pour les gens qui s'appuient sur leur intelligence. Ils pensent que leur intelligence est une lumière suffisante pour les éclairer. La sagesse du monde est une folie aux yeux. Nous devons tous nous humilier et reconnaître que nous ne savons rien. Nous ne savons rien. C'est Dieu notre sagesse. C'est Dieu qui est notre source. Jésus-Christ, le messager, il éclaire mon chemin. Je m'en faiblesse est conduit par sa sûrement. Lui, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Ma faiblesse est conduit par sa sûrement. Oui, il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Ma faiblesse est conduit par sa sûrement. Le mot qu'on est pesé. Je pense que quand nous chantons, nous comprenons ce que nous chantons. Parce que quand même, je sais que c'est le Seigneur seul et la messure. Le mot qu'on est pesé. Par ton intelligence. Par ton savoir et tes souhaits. Et la messure du Seigneur te conduit. Le mot qu'on est pesé. Dans Jérémie 17. Bonjour, parenthèse que nous ouvrons là. Nous avons gardé ouvert avant de revenir à Proverbe 22. Jérémie 17, versets 5 et 6. Verset 5 à 7, Jérémie 17. Ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est ce que Dieu dit. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Quand les gens commencent à se confier dans l'homme, tu es maudit. Et qui prend la chair pour la pluie. La chair et les choses de la chair. Les sagesses de la chair. Les adages de la chair. La science de la chair. Tu es maudit. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Je te supplie, sors de là. Tu n'es pas condamné à être esclave comme ça. En tant que l'on peut de liberté, sors de là. Répentez-vous et croyez la parole. Soyez de ceux qui mettent toute leur confiance dans le Seigneur Dieu. Amen. De tout leur cœur. De tout votre cœur. Ça, c'est ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Il prend la chair pour appui. Et qui détourne son cœur de l'éternel. C'est son cœur que tu dois donner à Dieu tout entier. Donne la confiance de ton cœur tout entier à Dieu seul. Ne sois ni tiraillé ni partagé. Ne sois ni embrouillé ni troublé. Donne ton cœur à Dieu tout ton cœur. La confiance du cœur. Ne t'appuie que sur Dieu seul et en son nom. C'est lui qui croit dit amen. Si tu détournes de ton cœur de l'Éternel, il détourne son cœur de l'Éternel. Il prend la chair humaine pour l'appui. Il s'appuie sur l'homme. Il se confie dans l'homme. Cet homme-là, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Plusieurs sont malheureux dans leur vie. Ils tournent en rond. Ils finissent les brouilles noires. À cause de cette situation. Quand tu viens à l'église, quand tu lis la parole, quand tu vis chaque jour ici, que ta confiance est en Dieu de tout ton cœur. Quand la réponse est non, ce qui est la vérité. Alors laisse d'abord les sociétés acquises. Ce C'est l'état de ton cœur qui est la cause de tes malheurs. Si tu ne le savais pas, tu as une mauvaise mentalité. Un mauvais système de raisonnement. C'est faux et charnel diabolique. Tu as des plaisirs de venir à prier. Mais pensez-vous pour que Dieu vous accueille. Il ne peut pas venir avec des blancs. Et de la rue. Et parce que je ne peux pas voir Dieu dans ton corps. Dieu, on est triste pas avec lui. Dieu, on ne peut pas les tromper. Il connaît ses voix et ses pensées. Il connaît la réalité de Dieu. Le système de pensée qui s'anime. Dieu le fait. Ton cœur n'est pas en Dieu. Même quand nous parlons du retour de Christ, est-ce que vous vous préparez vraiment? Quelqu'un qui a toute sa confiance en Dieu, le monde passe et sa compatrice. On prêche la venue du Seigneur, il sait qu'il n'est pas né de nouveau, il sait qu'il n'a pas le baptême du Saint-Esprit, mais il continue à roupiller, à somnoler. Ronfler chaque nuit. Il ne fait rien pour ce que cet individu-là a confiance. Est-ce qu'il s'attend vraiment à Dieu? Je ne crois pas. Il se trompe lui-même. Tu ne verras pas arriver le bonheur. La Bible ne changera pas à cause de toi. Tu ne verras pas arriver le bonheur. La Bible te prévient déjà. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Il a nakosu yamonde mukabali mera mikololuso milinga kosu éternuement fouenge et des choses comme cela. Il habite le lieu brûlé du désert. Une terre scellée et sans habitants. Mais écoutez, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Béni soit l'homme qui donne confiance à l'Éternel. Et dont l'Éternel est l'espérance. Celui-là est déjà béni par la Bible. Comme si l'oncle se maudit. Dieu est déjà béni de sa vie. Pour une bénédiction valable. Indescriptible. Incontestable. Et tu peux en être sûr. Il est comme, verset 8, il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tombe, qu'il tombe, qu'il tempête, qu'il neige. Qu'il y ait des marins, quoi. Vous ne sentez pas les effets néfastes de ça. Vous continuez à vivre parce que Dieu vous soutient. La chaleur dont les autres se plaignent, c'est pas votre, ce ne sont pas vos plaintes. Et vous passiez, mon bouc est belle moto. Toi qui vis dans la présence. Tu ne sens pas les effets de la chaleur. Tu es discipliné, tu es éduqué par Dieu. Quand tu sais vivre dans l'abondance et tu sais vivre dans la richesse, tu resteras toujours toi parce que Dieu t'a enseigné. C'est ça qui te rend différent des autres. Il ne peut pas venir tester chez toi pour trouver des milliards, il n'y en a pas. Mais comprends-toi, comment tu es toujours joyeux? Les oiseaux ne veillent ni ne jeûnent. Les petits oiseaux ne font pas les jeûnes. Ne font pas des moments de prière. Mais toi tu le fais. Que Dieu te fasse son image. Il t'en fait pour que tu lui ressens. Tu peux lui parler avec intelligence. Tu peux lui parler en esprit. Tu connais les besoins de ton cœur. Celui qui t'a créé te connaît. Oh, y'a quelqu'un. Et le fait de quoi tu as besoin? Avant que tu ne lèves lui, demande. Elle est la parole du Seigneur. Et c'est encore valable parmi nous. Oui, frère. Il est comme un arbre planté près des eaux. Et qui étend ses racines vers le courant, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Il n'aperçoit pas ça. Et nous, les gens disent, mais, yo, ok, ouais, j'ai fait Nicolas. Bon, d'accord, mais qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez fait Nicolas? Dis-nous, on suspect. Et si vous simba qui cité, en attendant vous simba qui cité, qui fait ça pour Zoba, perdre de temps, magie solo, perdre de temps. Amen. Le nom du Seigneur est sur tout le monde. Amen. Il s'est dit, tout le monde. Mon fils s'est réfugié dans ce nom. Le Seigneur m'a dit, qu'on est pas, il m'a dit, sur les terres. Père, vous allez la combattre. La Bible dit que vous avez tout. La Bible dit que vous avez une alliance. Pleinement. En son nom Jésus. J'ai cité ce passage dimanche. Et voilà cité encore aujourd'hui. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination. Et de toute autorité. Colossiens 2, verset 9 et 10. C'est la parole qui ne changera pas. Dieu l'a dit, ça demeure comme cela. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Amen. Oh. L'année de la sécheresse, au cas où il est si bambo gagnons, yéoyo a tel la confiance dans solo Yahweh, akobanga ka paix. Il n'y a pas confiance dans les gars dans solo. Il te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Le Seigneur est mon aide. De quoi aurais-je peur? Oh, c'est la parole toujours, c'est pas là. Dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. Donne ta confiance à Dieu. Amen. Donne ta confiance en la parole de Dieu. Repose-toi tout entier dans la parole. Il sait prendre soin de ce qui est prêt. La Bible dit que Dieu est le rémunérateur de ce qu'il est cherché. Il est celui qui paye ceux qui le cherchent. Dieu de tout son cœur. Et la même Bible dit que le Seigneur Dieu, il est riche pour tout ce qu'il invoque. Tout ce qu'il a fait sur la chaîne. Tout ce qui compte en dernier recours. Le Seigneur Dieu est un secours. Il est un prix. Il est riche pour tout ce qu'il invoque. Nous ne prions pas un Dieu pauvre. Un Dieu est certain. Un Dieu est comme ton prison. Nous prions un Dieu vivant. Créateur. Quand même le monde n'en a pas, Dieu peut créer. Ce qu'il était pour. Le Dieu qui a nourri Jean-Baptiste. Il mangeait des sauterelles en brousse. Sans savoir s'il y avait famine ou abondance dans les villes habitées. Ce n'était pas son problème. Mais Dieu ne le nourrissait jamais. Jean-Baptiste n'a dormi à famille. Au désert où il vivait seul, sans famille, une personne. Dieu l'a nourri. Et le même Dieu de Jean-Baptiste est venu à notre secours au temps de la fin. Le 11 juin 1933. Le Ohio États-Unis d'Amérique. Pendant que William Branham baptisait, il est arrivé à la 17e personne. Et alors il a baptisé, il a sorti de l'eau. Il a ouvert la prière comme vous l'avez aussi reçu. Dans l'eau. Après l'avoir baptisé, il prie pour les baptiser. Pendant ce temps-là, une détonation est venue. Une déflagration. Ça donnait l'impression que tous les cieux et l'espace vibraient. Le Créateur, il est le propriétaire de l'univers. Il traverse de manière visible. Tout est secoué. C'est le propriétaire de la création. Et la voix a retenti. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer les messieurs. J'ai envoyé avec un écart qui précédera et préparera parce qu'on est venu le monde entier. C'est lui qui avait envoyé Jean-Baptiste. Il avait pris soin de lui. C'est lui qui a envoyé Branham. Après soin de l'âme, il n'avait ni usine privée, ni pâtisserie domestique. Il ne savait pas comment faire les gâteaux. Mais il n'a jamais dormi à famille. Pourquoi? C'est lui qui a nourri Jean-Baptiste. Il est vivant au 20e siècle. Il est vivant aussi au 20e siècle. Les hommes passent, mais l'Esprit de Dieu demeure. Les hommes passent, les serviteurs passent. Mais ça, c'est Dieu progresse. Parce que Dieu est fidèle. Il a pris soin de Branham. C'est ainsi que dans les brochures, vous lisez les histoires du zèbre. Vous avez dit que vous comptez les solo, il y a des zèbres, des grizzlies, des écureuils, de la mer au poisson, des petits poissons. C'est le genre d'histoire que vous lisez dedans. L'égibier se levait pas de l'usine prête à manger. Ni d'une pâtisserie, mais c'est le Créateur qui pourvoyait aux personnes. Car il n'avait pas d'argent pour l'acheter à manger. Il avait les genoux pour parler à Dieu. Et Dieu est celui qui conduit ses enfants. Il le conduit là où il y a la réponse à leurs problèmes. Il nous conduit là où il y a la solution aux problèmes. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Quel que soit le problème, il connaît là où il y a la solution. Quand ils ont manqué l'argent pour payer le pot, ils savaient que l'argent est dans la bouche des poissons. Il a conduit Pierre au bon endroit. Et il est arrivé là-bas, la solution existait déjà. Soyez connus par Dieu. Donnez-lui votre confiance. Je vais vous donner la vôtre solitude. Pesaye motemanayo. Amen. Pesaye etingyanayo. Yakomemelayo biyano. Amen. Akotambi shobi tika solution ebali. Alléluia. Toi tu ne connais pas tout, mais Dieu connaît tout. Moi je vous dis que tu sais, mais je vous dis ça. Savez. Vous prenez pour regarder les écureuils pour la décoration, le tourisme, non? Mais pourquoi il a battu? Il avait besoin de ce qui fait que il a bêté mon massage et coupé à récupérer les chinois. Balambi. Balaya, Baliango. Créé par Dieu, bâtir mon anjou, balaye. Amen. Et c'est répété une deuxième fois ici. Et ça, il faut battre. Première fois, trois écureuils créés. Deuxième fois, trois écureuils encore créés. Au total, six écureuils. À deux époques différentes. N'imaginez pas. Mais à bêtir mon attache, allez. Balaye en haut, balaye. Amen. De sorte que celui-là, il n'y a pas de maté. Nous sommes à l'aïe. Ôté. Même on y va tester la monité, là Saint Thomas, vous voyez, vous êtes ce n'est pas Saint Thomas. Osa ne fait Saint Thomas, on continue à faire Saint Thomas. Osa yo, vous pouvez vous faire un bon anime, vous pouvez vous faire un bon Thomas, c'est pas Thomas, vous avez un bon Thomas, vous avez un bon Thomas, vous avez un bon Thomas. Si ne fait pas devenir Thomas, vous avez un bon Thomas. Tu prends ça comme prénom. Vous oubliez ton nom d'authenticité. Vous avez un bon Thomas. Vous avez un bon Thomas, c'est pas Thomas, c'est pas ce sont des noms d'importation. Et ça, tu n'es pas très Thomas. Tu ne peux pas les devenir non plus. Celui qui veut croire, doit croire à l'évangile. Et c'est quoi, il m'a dit, Andima. Oh, ma camarade va créer, il faut tout à dire, est-ce que ça solo? Et ça solo. Et pour une fois, il m'a dit, bonjour, mon aïe, mon corps. Voilà. Mais qui est chrétien, il n'y a aucun coup dans la nation, mon aïe, mon corps. Dieu ne va pas retirer le miracle, parce que c'est le miracle. Toi, c'est l'homme de ma capée. Toi qui? Yomé. Tu es qui? Moi, c'est une mani. Alors, Emilio. Ah, c'est lui qui fait ça. Donne à Dieu ta confiance. Ton prêtre de lui, ta porte est des solutions. Il conduira tes pas là où il y a ta satisfaction. Là où tu seras satisfait. Par rapport au désir de ton cœur. Il est dit dans la Bible, fais de l'étreinte de l'île, et il racontera ce que ton cœur désire. Je dis amen que c'est vrai. Amen. Moi je dis amen que c'est vrai. Amen. La parole est déjà écrite. La parole est déjà écrite. Faites confiance à Dieu. Il prendra soin de vous. Dieu là qui a nourri Branham. Ne va-t-il pas nourrir les croyants du message? Parce que le message circule avec un esprit. C'est l'esprit de Dieu qui était en Jean-Baptiste. L'esprit de Dieu a envoyé William Branham. L'esprit de Dieu a été en Branham. L'esprit de Dieu est dans son message. Et le croit correctement. Dieu confirme toujours sa parole. L'église dit amen. Pouvez-vous nous fermer la parenthèse? C'était une parenthèse. Nous revenons à Proverbe 22. Il dit, verset 20, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions? Nous nous répondons oui et amen. Qui ne veut pas reconnaître ça? Dieu pose la question. Je n'ai pas fait ça pour toi. Je n'ai pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions. Qui ne veut pas répondre oui, amen. Je vois un certainement, chacun doit se reconnaître ici. Chacun doit se retrouver ici. Amen. Et par là, corriger sa négligence. Corriger sa naïveté. De penser que Dieu ne s'occupe pas de toi. Et Dieu ne prend pas soin de toi comme il faut. La parole qu'il t'a donnée est toute suffisante. Il y a dedans la sagesse. Il y a dedans l'inspiration. Il y a dedans l'onction. Il y a dedans la consolation. Il y a dedans la nourriture pour l'âme. Il y a dedans la bonne conduite. Il y a dedans la lumière pour être éclairé. La parole. Alors il dit, pour t'enseigner des choses sûres. Des paroles vraies. Écoutez, afin que tu répondes. Que tu répondes que quand les questions te sont posées, quand tu es sollicité, tu dois savoir donner des réponses. Et les réponses ne doivent pas venir dans l'air. Doivent provenir de la parole écrite. C'est ce que Dieu a déjà écrit pour toi. Afin que tu répondes par des paroles vraies. Celui qui t'envoie. Quand nous avons les trois questions ici, nous devons y répondre d'après la parole. Mais seulement quand la réponse est conforme à la parole, et la Bible dit que cette réponse-là est vraie. Regardez dans des chapitre 3, la même Bible nous enseigne ceci, verset 16 et 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonheur. Toute écriture que vous preniez, quel que soit le livre que vous considérez, dans la Bible écrite de Dieu, un livre à 66 livres, le livre qui contient 66 livres, appelé affectueusement la Sainte Bible, toute écriture que vous tirez dedans. Nous vivons comme nous sommes dans la carte. Est inspiré de Dieu. Et aucune d'elles n'est inutile. Mais chacune d'elles est utile. Pour enseigner. Pour convaincre. Pour corriger. Pour instruire. Dans la justice. Afin que l'homme de Dieu, celui qui aime croire Dieu, ne compte que sur Dieu. L'homme de Dieu, celui qui ne s'appuie que sur Dieu. Il ne voit pas les hommes. Lui, il ne voit que sa relation avec Dieu. Il donne sa confiance à Dieu de tout son cœur. Quel que soit ce que les hommes disent, à ta que les hommes font, ça lui est égal. Lui ne voit que Dieu. Il est homme, c'est pour Dieu. Il dit c'est par Dieu. C'est pour Dieu ça. Que cet homme de Dieu soit accompli. Et propre à toute bonne. L'écriture est faite pour ça. Pour que tu sois équipé. Taillé, formé. Instruit, enseigné. Corrigé, redressé. Et surtout convaincu. Tu ne peux pas marcher par l'incertitude. Tu dois marcher avec assurance. Avoir des convictions vraies. Ayant un soubattement vérifiable dans la parole écrite. Non pas des croyances flottantes. ayant des convictions solides, basées sur la parole immuable. Et si les deux, vous êtes au nom de Dieu là. La nouvelle est l'un d'eux. Je prie que tu sois l'un d'eux. L'Esprit de Dieu façonne ton caractère. Mais nous, dans l'ensemble, nous avons dit que le récupère ta personne. Et qu'on a fait la forme. Et qu'on a fait la forme. L'équipe de tout ce qui manque. Et qu'on a fait la forme. Pour te rendre capable de tout ce bonheur. Tout ce qui est bien que Dieu veut. Et nous sommes là. Tu n'es jamais capable de le faire. Et qu'on a fait la forme. Tu aimes l'évangile? L'ancien évangile. Voilà moi ça. Il est si bon pour mon âme. Il était bon pour Paul et Silas. Il était si bon pour Frère. Il est aussi bon pour mon âme. Elle fera s'enfuir les démons. Amen. Oh! Cet ancien évangile-là. Et mollé en l'état. Et qu'elle te fasse du bien comme les saints d'autrefois. Que cette parole réveille la flamme au-dedans de toi. L'amour envers le Dieu. La flamme de confiance envers le promesse de Dieu. La flamme de confiance à la puissance divine. Nous l'avons confessé tantôt, mon Dieu est capable. Il faut encore le redire, mon Dieu est capable. Il faut que la flamme de confiance de mon cœur se rallume envers lui. Et c'est Je ne suis pas pour moi. Non, je veux que vous puissiez croire. La parole, c'est ça. Regardez. Trois questions bibliques. Mais tout le monde est un ministère. Qui dit-on que je suis? Ou, Jésus a dit à d'autres termes. Au dire des hommes. Qui dit-on que je suis? Mais Bilobela Yabato. Qui dit-on que je suis? Voyez, là, c'est Matthieu chapitre 16. Le verset 13. N'est-ce pas que nous avons lu ça là-bas? Oui, c'est là qu'il y a cette question. Qui dit-on que je suis? Matthieu. Chapitre 16, le verset 13. Et puis on a posé une autre question ici. Qui dis-tu de toi-même? Ça, c'est dans Jean chapitre 1. Le verset 22. Parce qu'on a une question, mais il faut que ça soit une question. Il faut que ça apparaisse comme question dans la Bible. Ils ont trois questions bibliques. Ce n'est pas la philosophie du pasteur. Ils croient que c'est biblique. Non. Ça y est là dans la Bible. Tu peux le dire comme cela. Voilà. Alors, ici, qui dites-vous qu'il est son serviteur? Mais nous, aujourd'hui, d'adapter, que dites-vous que je suis. Mais vous, que dites-vous que je suis? Matthieu chapitre 16, verset 15. Ce sont les trois questions. Identifier un ministère. Il y a toujours, quand quelque chose vient, chacun se fait une opinion. Lorsque Dieu envoie quelque chose, chacun se fait une opinion. Mais attention, dans les 10 des hommes, même s'ils sont nombreux, même s'ils sont rassemblés dans un lieu public, pour crier d'une même voix la même chose, à les 10 des hommes, il n'y a pas l'exacte vérité. C'est ce que j'aimerais vous dire ici. Esaïe chapitre 59. La parole du Seigneur ici. Esaïe 59. Verset 14. Esaïe 14. La vérité, non, la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Verset 15. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a point de droiture. Et solo et zangi. Mpe, ye oyo akopengwa, kolongo na mabe, akomizangi sa lokola mouvoma. Yawe amoni yango, mpe apesie mawa. Yete kosambi sa sembo et zalaki kozanga. D'un côté, la vérité a disparu. Nango mousousu bo solo. De l'autre côté, la vérité très riche. Nango mousousu bo solo et zalaki. Elle s'achope. Elle pâtit. Elle ne marche pas d'imparfait. Sur la place publique. Même si c'est un lieu public. Où des foules sont rassemblées. Et ils disent des choses. Parce que dans les lieux publics. La vérité ne fait que trébucher. Tu ne peux pas retenir une vérité sûre là-bas. Dans les lieux publics. Là où les gens sont rassemblés. C'est pas si sûr que ça. La vérité sort de la bouche de Dieu. Si tu veux la vérité indiscutable, va interroger la bouche de Dieu. Et quand Dieu te répondra, tu sauras que sa parole est la vérité. N'est-ce pas vrai? C'est de la bouche du Seigneur seul que sort la vérité. Ici, dans Esaïe, ça nous a été dit clairement comme cela. Esaïe 45, verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Pour toi, toute la confiance de ton cœur, donne-la à Dieu et à sa parole. Quand il déclare, il ne peut pas révoquer ce qu'il a déclaré. Quand Dieu déclare ce qu'il déclare, demeure établi. Ce qu'il a déclaré, c'est la vérité. Passons de sa bouche. Alors, le lieu public, la place publique, n'est pas notre Dieu. Et le lieu public, ils peuvent raconter des histoire. Dans un sens, tout comme dans un autre. Mais sachez que il n'y a pas de vérité crédible, très fiable, que vous pouvez tirer de la place publique. Oh, miséricorde. Dans Jean chapitre 7. Voyez un exemple de lieu public. Jean chapitre 7. Voyons le verset 10. Jusqu'au verset 13. Lorsque ce frère fut monté à la fête, il y monta aussi lui-même. Non publiquement, mais comme en secret. Lui, Jésus-Christ, qui était la vérité. Il monte à une fête où il y avait des manifestations publiques, mais il n'y va pas publiquement. Lui, il va en secret. Ok. Kasi. Et si la qui m'a dit qu'on aille, pour buta na elambo, il est peu abouti, ne pour le lété, kasi le cola, et koukou. Pourquoi il n'a pas un secret? Parce qu'il y a une discussion en famille. Dans la maison de Marie. Entre Jésus et ses frères. Avant cet événement. Oh non, c'est lui qui dit. Tu veux paraître, tu veux venir. En public, tu te fais voir. Non, non. Moi, je n'irai pas là-bas. Mais quand ses frères sont allés, dans l'ambition de se faire voir et tout ça, lui, il est allé autrement. Secrètement. Les voix des hommes ne sont pas les voix des dieux. Quand vous voulez que Dieu vous approuve, cherchez à connaître le secret de sa volonté. N'essayez pas d'imiter tout ce que les autres font parce qu'ils sont religieux. Cherchez à connaître le secret de la volonté de Dieu. Et vous serez bénis dans votre voie avec vous. Les Juifs les cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Oui, il s'est vraiment caché. Et il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il est dans la multitude. Vous entendez? C'est ça les places publiques. Les uns disent, c'est un homme de bien. Les autres disent, oh, il est là le peuple. Écoutez, personne toutefois ne parlait librement de lui. Par crainte des Juifs. Donc, même ceux qui disaient un homme de bien, il ne parlait pas avec assurance. Et ceux qui disaient qu'il égare le peuple, mais il ne parlait pas non plus avec assurance. L'autre n'arrivait pas à se prononcer. Tout librement, vous ne savez pas, les Juifs vont réagir comment? Pourquoi? Les places publiques. Y a-t-il une vérité absolue? Qu'allez-vous retenir qui est Jésus? Cette place publique ici, où lui vous mettez à l'air? Qui est Jésus? Yes, un homme de bien? Ou quelqu'un qui égare le peuple? Qui est-il? Qu'allez-vous retenir? C'était la place publique. Les uns disent. Les autres disent. Et les autres que c'était. Votre garde d'hypocrisie. Qu'allons-nous retenir? Qui est Jésus? Difficile. Ma casse. Isaïe a dit avec raison. Isaïe, la vérité a disparu. Elle trébuche sur la place publique. Quand tu diras non, selon moi, Jésus est un homme de bien. Tu diras, toi qui dis ça parce que tu as pris position pour lui aujourd'hui. Mais que dis-tu de ce que les autres qui étaient sur la même place publique? Qui dit vrai entre vous deux? Moi, c'est moi qui dis vrai. C'est la vérité que tu crois être vraie dans ton cœur. Mais quand tu vas entendre ces autres-là, ils ont aussi leurs arguments pour soutenir que ce que nous disons, c'est ça qui est juste. Donc, la place publique n'est pas une référence. Mais si vous voulez la vérité, interrogez la bouche du Seigneur. Demandez qu'est-ce que Dieu. a dit. Amen. Ne vous fiez pas au dire des hommes. Car les mêmes hommes là, le matin, ils peuvent dire Jésus, il est un homme de bien. Quand ils ont crié en lui dans Jean 4, ils ont dit c'est le grand prophète qui devait venir dans le monde. Mais à peine deux chapitres après, les disciples, comme on a entendu du matin, ce sont les gilets de nous. Convaincus qu'il trompait les gens. Les mêmes qui disaient qu'il est le grand prophète et le sauveur du monde. Les mêmes ont changé de langage pour dire que Jésus est en train de tromper les gens. Il a ordonné à ses disciples la sorcellerie. Vous allez retenir quoi finalement? Les hommes changent de langage. La bouche des hommes n'est pas crédible. Nous venons de dire que tu ne peux pas te confier dans l'homme. Si tu te confies dans l'homme, tu es maudit. Si tu veux connaître la vérité, interroge la bouche de l'Éternel. Vérifie ce que Dieu a dit. La vérité est ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Amen. Les places publiques, méfiez-vous. Lisons un peu dans Jérémie au chapitre 3. Voyons ce que le Saint-Esprit avait aussi dit là-bas. Pour nous aider, nous affermir, à ne pas nous fier, ni au dire des hommes. Ni au témoignage des hommes secours. Nous avons besoin d'aller auprès de Dieu. Il nous confirme toutes choses. Êtes-vous là? Croyez-vous vraiment? Vous allez faire une agenda? Jérémie 3. Nous prenons le verset 22-23. Revenez en Farabel. Je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi. Car tu es l'Éternel, notre Dieu. Si tu t'étais mis à écouter les dires les publics des gens, je t'invite à revenir. Ils annoncent qu'il est disposé à pardonner tes infidélités. Regardez la réaction des enfants fidèles qui ont écouté. Des enfants qui ont donné raison à tout ce que Dieu dit. Ils ont répondu aussitôt, nous voici, nous allons à toi. Car tu es l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que toi aussi tu veux aller à lui? Comme Pierre a dit dimanche, à qui d'autre irions-nous? Dis la place publique. La vérité a disparu. La mais alors, si nous allons auprès de l'homme, il va nous raconter ses histoires. Mais un homme est un menteur. Il changera de langage. Mais à qui doit il y aller? Où tu veux la vérité? Allons au Seigneur notre Dieu. Va-t'en au Seigneur ton Dieu. Ma soeur, va voir le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu. Nous l'avons dit, nous le répétons, mon Dieu est capable. Mon Dieu est capable. Si le ciel n'est pas une idole vivante, est-ce que le catabérique mort et puissant? Quels que soient les problèmes et les besoins, il y a des solutions appropriées. Béni soit celui qui se confie en lui. Béni soit celui qui donne confiance à la parole. Tu es là? Nous voici. Moi je dirais, mais voici. Et des montagnes n'est que mensonge. Et le kouta. Oh ma kelele, où tu suis ngombe nini? Et où tu suis wapi? Le kouta na le kouta. Tu dis amen. Oh les rumeurs de la place publique. Un pasteur d'une église, il a donné mon adresse quelque part. Pasteur, mon gars, que vous êtes quelque chose. À qui en ça? À qui en ça? Oh, banam, bana Congo, toi là, on s'est là. Là, il y a aussi un gomba. Azul, on peut aussi un gomba. Oh, ma pécide, bien à Bakambu. Ma pécide, bien mon gona, na soso. Na premier mi-temps, pour gagner ma égyptien, na bi, ni balé. Na deuxième mi-temps, ne soso, à cause de j'avais solo. Pour gagner trois bi. Alors, maintenant, vous savez, va jouer, va aller voir. Tant qu'on va faire un coup, non, on va faire un coup. Balou Kangani. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Bah, quel coup, non? Bah, le côté à mauvais mal. Très bien. Maintenant, vous passez des mal ici, il y a que le bonheur de tout le monde. Très bien. Malamou, Dieu est bon. Maintenant, la vidéo continue à circuler. L'adresse de l'église continue à circuler, mais le faux prophète est identifié. Quelqu'un qui veut parler au nom du Seigneur, et la chose ne s'accomplit pas. La Bible a dit, n'aie pas peur de lui. Voilà. Un autre s'est levé là-bas. Comme une statue à Mongafula. A Télémi. Là, il a Télémi à moi. Dans son nom, le col de Mossagoli Nazambe. Et pour gagner, Barba, Batouana, pour gagner par Égyptien, la Sokoli, la Combo Zambé. Et puis à Géphane, est-ce que Zamba Zaye Moussala Moussala, avant de faire une prophétie à Mata et dans les opards, bah donc Zamba fait ça, c'est comme une prophétie à l'opard. Dieu ne nous donne pas ce nom pour jouer avec. Zamba Zaye Moussala Moussala Moussala Moussala Moussala Moussala. Mais c'est pour édifier l'église. Bon, si les léopards gagnent les matchs, l'église est déjà sur le léopard. Nous avons été permission de prier pour l'équipe nationale. Non. C'est une aide. Toutes ces choses se passent que les gens ont rejeté la vérité. Alors, ils viennent des collines et des montagnes. Et d'autres, ils inventent des prophéties. Ils ont inventé une prophétie à un moment. Ça, des prophéties politiques. Mais ça fait le président ou là. Non frère, les œuvres de prophétie footballisées, nous voulons l'esprit de vérité. Pour RDC et pour la terre. C'est prière vraiment, il y a mon dîme, il y a mon âme. RDC, et le quoi ma casse. Non frère, nous n'allons pas entrer dans ces histoires. Je préfère que nous soyons ce que nous sommes. Et que nous restions tels que nous sommes. Restons dans cette ligne. Je voudrais lire un peu frère Branham. Pour que ça ajoute encore à ce que nous disons. Lisez-vous. Oh, miséricorde. Non. Il dit ceci. Je vais lire. Miséricorde. Voilà. Je vais trouver ça. Dans, écoutez-le. 1960. Le 6 août 1960, le paragraphe 29. Bon, nous découvrons que Jésus, en cette grande occasion, est allé à la montagne de transfiguration. Il a choisi trois hommes. J'aime toujours penser à Pierre, à Jacques et à Jean. Et quand il a ressuscité la fille de Jairus, Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et c'est l'espérance, la foi et la charité. Donc, chacun de ses disciples représentait une vertu. Quand il est allé pour la transfiguration, il a pris les trois témoins. Pierre, Jacques et Jean. Et quand il est allé ressusciter la fille de Jairus, il a pris encore les mêmes trois témoins. Pierre, Jacques et Jean. Et il s'agit de l'espérance, la foi et l'amour. N'est-ce pas? Ok. Ces trois constituent un témoignage. Trois personnes constituent un témoignage dans la tête de ça. Ainsi donc cette fois, c'était une occasion si importante et le message devait être si important que Dieu prit trois témoins. C'est ce dont nous sommes reconnaissants ce soir. C'est dont je suis si reconnaissant envers Dieu. C'est le fait que pour ce message de la Pentecôte, que nous prêchons, Dieu envoie un témoin. Et la Bible dit dans Hébreux 11, Dieu rend témoignage à son don. Si quelqu'un dit quelque chose, vous un homme peut dire quelque chose. Mais si Dieu ne fait pas écho à cela par sa parole, et par sa présence, alors il n'a pas de témoin. Donc ce qu'il dit, s'il dit cela, si la Bible dit cela, et que l'Esprit confirme cela, ça fait trois témoins. Alors c'est la vérité. Et c'est confirmé. Dieu dit que c'est ça. Vous voyez le témoignage vrai? Chaque fait doit être établi sur la déclaration des trois témoins. Comme on peut le voir dans 2 Corinthiens chapitre 13. Le verset 1. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Les camionneurs se coquettent. Na oye pelle les matatons ni balé to. N'est-ce pas vrai? C'est une vieille règle. Une vieille règle de la parole de Dieu. Il faut deux ou trois témoins pour attester un fait, une vérité, un péché, un crime quelconque. Il faut deux ou trois témoins. Car Dieu a dit qu'un seul témoin ne suffira pas. Donc si un homme se lève et dit une chose, pour longtemps, il faut que les deux créateurs disent la même chose que l'homme. Et il faut aussi que la Bible de Dieu, le livre de vérité, rende témoignage à cela. Et alors nous savons que c'est vrai, que le témoignage est vrai, et alors là, nous pouvons nous reposer avec confiance. Est-ce que vous y croyez? La parole est assez claire. Deutéronome chapitre 19. Le verset 15. Il est dit, un seul témoin ne suffira pas contre l'homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Il dit amen. Amen. C'est une vieille règle, ai-je dit, de la parole. Lorsqu'un faux témoin se révélera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, Les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel. Devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. Les juges feront avec soin de recherche. Et l'on cherchera à répondre aux questions de savoir. L'ex-moi est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Verset 19. Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Il ôtera ainsi le mal d'humilier de toi. Verset 20. Les autres entendront et craindront. Et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Donc, rendre un témoignage faux. Ou aller faire une déposition fausse. C'est un acte criminel. Parmi le peuple. Quand vous voulez rendre un témoignage, soyez sûr qu'il est vrai. Vérifiez si vous êtes un vrai témoin. Un vrai témoin, nous l'avons entendu il n'y a pas longtemps. C'est celui qui a vu et ou entendu la chose lui-même. Ne témoignez pas des choses dont vous n'êtes pas témoin. N'est-ce pas, frère? N'allez pas vous embarquer dans ce genre. Alors, nous l'avons lu au début là. Dans l'épisode 23, le verset 1. Exactement. C'est ce qui est mentionné ici. Dieu est clair. Tu ne répandras point de faux bruits. De bruits mensongers. Une rumeur infondée. C'est ce que des fois nous faisons dans les WhatsApp avec des fake news, des fausses nouvelles, des mensonges sur mensonges, des politiciens. Et vous aussi, entrez de transférer. Nous ne sommes pas sérieux. Nous sommes tous les deux. Et WhatsApp nous a ensorcelé. WhatsApp est nos kibis. Car qu'on transféré. Au côté là. La fini la groupe à voir. La fini qu'on a. Dieu me salue, il était chez moi. Même des faux bruits. Maintenant quand ils découvrent que c'était faux. Les faux bruits sont interdits d'être diffusés. Ma carrière le kouta. Et qui savait que c'était la matinée. La première dame venait de faire un accident. T'as la ligne de Taboliba. Moi, si mon Zamboka, elle fait l'icama. On prend une photo. La première dame du pays. Venait de faire un gros accident. Seigneur a sa lignée, c'est que le Seigneur est tranquille. Après un démenti est venu, elle n'a fait aucun accident. C'est son véhicule qui était dans un magasin de course, c'est tout qui a connu un accident. Mais n'était pas elle. Mais regardez comment les informateurs ont en notre accord. Quand tu as l'endegré, il y a le kouta. Il balance. Mais c'est un faux bruit. Mais c'est un faux bruit. Un chrétien ne doit pas faire ça. Nous, amen. Si tu veux être sûr des choses que tu as aux autres, hein, envoie les versets bibliques. Quand ce sont des paroles vraies et sûres, ils ne seront jamais de faux bruit. Parce que les références seront vérifiées. Parce que c'est contre possède une Bible. Na oh, il faut que la Bible. Il ne pas message. Il ne a pas. Après aussi, il me touche. Que Dieu nous pardonne. Dieu a interdit de répandre des faux bruits. Que chacun dise. En tout cas, n'a pas de message. Il ne répandra pas de faux bruits. Au contraire, c'est ma querelle de l'hôpital. C'est Dieu. Ça, c'est mon Dieu, tout le capital, c'est très politisé. Mingi, mingi, awana, ingumba. Et si tu vas à Tobalina, au contraire, tu vas à Tobalina, au contraire, tu vas à politique. Alinga Sambola Bango, il faut voir Mango, comment pourquoi politiser moi. Comme ça, aucun mal. Mais les choses importantes qui peuvent édifier nos familles, on n'est pas encore là-bas. Nous ne sommes là qu'à parler de politiciens. Qui ne sont que des profiteurs. Les menteurs qui nous font que nous nourrir des promesses. Et pendant ce temps, ils encaissent des millions. Et vous nourrir des promesses. C'est que nous avons du pouvoir. Ce qui m'ont fait, c'est la confiance. Ce qui m'ont dit, miyébi. J'ai dit, miyébi. Ce sont des problèmes. Oui. Ça, miyébi. Qui dit amen. Amen. Nous vous disons la vérité. Nous vous disons la vérité. Aussi, un homme honnête. C'est rien à politique. Encore une manani. Oui. Escroc. C'est un volet. Ça, miyébi. Ah oui. Amen. Je suis un parti politique, mon petit. Ça me met à l'aise comme ça. Amen. Comme ça, je suis un peu honnête. Master, je suis un peu boule. Je suis un peu boule, ça veut dire quoi? C'est, moi, je prêche la Bible. C'est écrit ici. Amen. Oh, opposition. Mais pourquoi je suis un peu boule? Mais oh, opposition pour voir. C'est quoi? Appelle les ils sont tous pareils. Je suis un peu boule. Nous nous prions seulement pour notre pays. Ah, c'est ce que Dieu nous a appris. Il y a un monde déjà nous n'allons pas maudire notre pays. Pour qu'on a c'est nous maudire, c'est nous maudire aussi nous-mêmes. Nous oh, ce pays n'a pas de chance. Oh, bon, vous pouvez vous écouter. Mais et le Bélinois, il y a un après, s'il te plaît, de quoi encore? D'après toi, bon, vous avez la chance de faire. Bon, vous ne reviendrez jamais. Bon, maintenant, s'il te plaît, de quoi? Vous savez que les États-Unis, mon cas, nous n'avons pas les mains. Vous n'avez pas de pété. Soyez sérieux. Revenons à Dieu. Il faut d'après la parole du Seigneur. Quand il y a un témoignage, ce qui nous fait le bon nous sommes de vrais témoins. Et là, toujours dans l'Isaïe 23, verset 1, après avoir interdit aux enfants de Dieu croyants de répandre de faux bruits, Dieu dit que tu ne te rallieras pas. Du côté du méchant pour rendre un faux témoignage. Ce qui nous touche à Kaja, il y a mon terme à ma belle. A son pétalité, il y a pour la Yemoko. Si Kaya Adinda Yemoko. Amen. Koyo kele ma wate, kosa na pena yete. Amen. Amen. Amen. Mais nous, nous sommes tellement manipulables. Influençables. Mais si nous donnons à moi une petite portion de vérité pour crédibiliser ce qu'il dit, bon, il est parti. Il est aux hommes. Or, la vérité se rédige dans la bouche des hommes. Je regarde pour ça les années que ça fait. Elle se rédige dans la place publique. Les gens qui sont là dans les chaînes de télévision, et les radios ne disent pas toute la vérité. Je dirais qu'on a pour ça le mot chopé. Ils s'arrangent toujours à orienter les choses vers les standards. Mais j'ai vu qu'on pense pas comme on a eu l'année de Bohémie Nabago. C'est piqué. Mawa. Alors vous allez suivre des gens comme ça. Vous allez prendre la bataille de l'ingénieur. Et puis prendre ce qu'ils ont dit comme des références. Bonjour, on va le bien, on le connaît qu'il y a qu'on t'aille. Et tu vas t'en parler, partager avec les autres. Dieu a dit, tu ne répandras pas de faux bruits. Dieu, s'il ne se mettra pas du côté du méchant, pour donner un faux témoignage, un faux témoignage est faux. Il doit être encerclé. Et ça, c'est la boulot qu'on a yoté. Faux témoignage. Et ça, c'est la mishapio yoté. Mouno qu'on a yoté. Ma colonne a yoté. Pour qu'on a yoté. Tant qu'on ne connaît pas, il y a frère. Kangayam. Tu n'es pas obligé. Même quand on vient te donner des messages porte-bonheur par les gens de gris-gris qui aiment faire sillonner des messages porte-bonheur. Savez-vous de quoi je parle? Les messages porte-bonheur. Ce sont les gens de salissement qui aiment faire ce genre de choses. Bon, la ligne est maintenant, ils sont venus se déverser dans les milieux chrétiens. Bah, il comme mission, pour venir dans la bâtiment, ça le par la témoignage, yo, des soleils, vous voyez. Les hommes, à l'obi, ce qu'on lignit, et Kabola Yango. Ce qu'on cabolité, les camomoko, vous voyez là, yo. Et ce qui, le Kabola Yango, miracle, mon gros, ça me dans deux semaines, dans 10 jours, milliers de missions, tu vas. Ce sont des gros matins. Bah, ça va, quoi, ça, Minène? Vous savez ce que moi, j'ai fait souvent? Bah, il y a un j'efface même. N'encore. Et aucun malheur ne m'arrive. Oh, ce qu'on a voulu, on a 5 groupes de. La bouquille en vous. Je ne sais pas. Oh, c'est un coup de Seigneur, si tu aimes le. On a besoin. Que pour le moment, on doit envoyer des messages. Il a dit que celui qui lève doit garder sa parole. Il a dit que celui qui lève. Qu'est-ce qu'il y a au nom de Jésus? Tu n'as pas du temps pour lui. C'est quoi ça? Oui. Ce sont des farces. Des esprits de démons. Bon, ils veulent manipuler votre psychologie. Oh, mais ni que ça ne l'appelle ma bande. Allez, boutez les dehors. Le Seigneur a dit, ne prêtez pas à tout esprit. Vous trouvez les esprits pour savoir si vous Boukayamo. Et moi je te dis au nom du Seigneur, rien n'est arrivé là. Et souviens au bandit au Kabola pas la Bomengo, je t'annonce encore Bomengo Moko voyez là aussi. Surtout le monde dit un message. Ce qu'on me dit, et l'autre voyez assez pour ça. Amen. Mais regarde là où il y a son bonheur. C'est le Bissika. Je reste celui qui se confie en l'éternel. Amen. Et ça on a pas besoin de commis personne encore. Il t'appuie sur sa parole. Je suis béni comme Abraham a été béni. Donc d'aller dire des gens, il n'y a pas d'absolu. Il n'y a pas de référence finale. Il n'y a pas de vérité du chitane. Alors si vous allez avec cette question, vous direz qui dit-on. Qu'est-ce que les gens disent généralement? Après tout, Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples ont raconté. Écoutez, les uns disent, c'était la Matthieu 16 verset. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Est-ce que Jésus était Jean-Baptiste? Ça c'était les uns. Dans le peuple toujours. Dans les ondits. Les dires des hommes. Qui est Jésus-Christ? Les uns disent qu'il est Jean-Baptiste. Les autres avaient déjà dit, il est un homme de bien. Les autres avaient déjà dit, dans la prédication de ce soir, ils avaient déjà dit, donc il est. Et maintenant les autres, les uns là-bas disaient, il est Jean-Baptiste. Les autres disaient qu'il est Isaïe. Les autres disaient qu'il est Jérémie. Les autres disaient qu'il est Élie. Et les autres disaient qu'il est l'un des prophètes. Voilà les dires des hommes. À chacun sa réponse. Vous allez vous appuyer sur quoi? C'est pour ça que Frère Branham vous dit. Un homme dit quelque chose. Et que Dieu ne dit rien dans le même temps. Et que sa Bible non plus. Ne reflète rien. Cet homme-là n'a pas de temps. Par conséquent, ce qu'il a dit de lui-même est faux. Il ne peut ni retenir, ni propager. Car un seul témoin ne suffira pas. Mais c'est par son cœur. L'homme dit une chose. Et le Dieu du ciel dit la même chose. Et la Bible confirme. Ça vous donne trois témoins. C'est-à-dire l'homme lui-même, Dieu du ciel et la Bible. Amen. Ça fait trois témoins. La parole est-elle témoin? Amen. Est-ce que la parole peut être témoin? Bien sûr que oui. C'est le témoin qui subsiste dans tous les âges. Le témoin le plus durable. Et Dieu a voulu que sa parole soit témoin. Oh mon Dieu, comme c'est merveilleux là. Le colisali, malamouboui. C'est tellement merveilleux dans oui. sa parole. Oui. Ce livre devrait être témoin. Wow. Et c'est lié à la catholique. Alors moi c'est alors qui? Ce livre sera témoin. Mon canon est causé à la entre toi et Dieu. Contre la rébellion de ton cœur. Voyez là, ce livre sera témoin. Dieu l'a dit par Moïse. Ta parole est témoin. Le Dieu qui a écrit cette parole est vivant. Et dans le livre de Job, ou c'est dans le psaume, la Bible dit que le témoin qui est dans la nuit est fidèle. Et dans l'Apocalypse, le Seigneur s'est présenté comme étant le témoin fidèle et véritable. Le Seigneur notre Dieu est témoin. Son livre est témoin. Le croyant doit être aussi témoin. Le prédicateur, le ministre doit être témoin. Mais un seul témoin ne suffira pas. Êtes-vous là? Bon, vous pouvez aller prendre dans la Bible. Dieu a promis d'envoyer des prophètes, des apôtres et des scribes. Vous dites que c'est vrai. Maintenant, dans le concret. Où sont-ils? Nous devons voir. Et c'est que Dieu l'a fait. N'est-ce pas? Et voir ces prophètes que lui envoyait. Les reconnaître et les laisser voir. Voir ces apôtres que lui envoyait. Les reconnaître et les laisser voir. Et quand ils rendront témoignage, nous comparons leurs témoignages avec les témoignages de la Bible écrite. Est-ce qu'un apôtre doit être comme ça? Un prophète doit-il être comme cela? Un docteur doit-il être comme cela? Un évangéliste doit être comment? Un pasteur doit être comment? Les témoignages de la Bible. Maintenant le Dieu créateur. Lui qui a écrit la Bible. Il est lui qui établit des ministères. Il est censé donner l'appel. Le ministère est un don qui dépend de l'appel de Dieu. Tout cela, ce sont des exercices importants. Nous sommes les élus Moussala à l'identification. Donc, les dire des gens. Parce que vous allez suivre une frange des gens. Dites ceci. Et l'autre groupe des gens dit c'est ça. Vous ne savez pas vous appuyer sur quoi. Bon. Vous venez à la deuxième question. Qu'est-ce que dis-tu de toi-même? On a examiné ça. Avec le ministère de Jean-Baptiste. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas une chose si facile que ça. Vous allez juste demander au serviteur qu'est-ce que tu penses de ton ministère. On y reviendra. N'est-ce pas vrai? Et vous verrez encore la complexité de cette question. Et l'autre question, que dites-vous pour tout qui dites-vous? Qui dites-vous qu'il est? Qui dites-vous qu'il est? Qui Azalinan. Qui? Dino Bolobi Azalinan. Dino Bolobi Azalinan. Ok. Voilà. C'est ce que l'Église elle aussi. Mais maintenant, ce que l'Église est censée répondre doit être ce qu'elle a reçu par révélation. Comme ce fut le cas de Pierre. Quand le Seigneur a posé cette question dans la société, Pierre a donné une réponse et Jésus a confirmé que ça ne venait pas de la chair ni mais ça venait du Père Céleste. On y reviendra. Êtes-vous là? Pour ce soir, que Dieu bénisse cette portion de l'évangile. Lève-nous pour la prière. Le temps est consommé. Les hommes. Le temps est plein de transitions. Bien sûr, tel est humiliable. Espérant espérant des choses éternelles. Tiens, l'inébranlable main de Dieu. Pour toi, mon frère, tiens, l'inébranlable main de Dieu. Pour toi, ma sœur, tiens, l'inébranlable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Ne passe pas, tiens, l'inébranlable main de Dieu. Ô Église, tiens l'inébranlable main de Dieu. Ô Église, tiens l'inébranlable main de Dieu. Espérons, espérons des choses éternelles. Ne passe pas, tiens l'inébranlable main de Dieu. Sois un Dieu qui ne t'abandonne. Quoi, toi, qu'apportent les années, et les amis, si les amis t'abandonnent. Attache-toi toujours à lui. Au peuple de Dieu, l'inébranlable main de Dieu. Église de Dieu, tiens, l'inébranlable main de Dieu. Oh, espérant, espérant des choses éternelles. Ne passe pas, tiens, l'inébranlable main de Dieu. Mais qu'on voit pas les richesses vaines qui pourrissent rapidement. Oh, quand je cherche les trésors célestes qui ne passeront jamais. Église de Dieu est dans l'inébranlable main de Dieu. Tous les frères, tiens, l'inébranlable main de Dieu. Espérons des choses éternelles. Oh, main, tiens, l'inébranlable main de Dieu. On s'achèvera ton voyage. Dieu t'es fidèle à Dieu. Oh, ton âme dans la croix. Tout verra une belle demain. Peuple de Dieu, tiens, il est à la main de Dieu. Église de Dieu, tiens, il est à la main de Dieu. Toi mon frère, tiens l'inébranlable main de Dieu. Oh toi ma soeur, tiens l'inébranlable main de Dieu. Toi mes chrétiens, espérons des choses éternelles. Oh ma, tiens l'inébranlable main de Dieu. Prions chacun. Le bon Dieu, mon amour. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions abondamment ce soir pour le privilège que tu as donné à nos âmes de nous tenir devant Dieu ici, dans la maison de Dieu, de confesser notre foi, d'attester notre espérance et de te confier notre cœur. Comptez sur toi de tout notre cœur. Bon, ta parole nous l'enseigne ce soir. Allez pas nous appuyer sur les dires des hommes. D'un groupe d'hommes. D'un groupe skill d'hommes. D'une fraction du peuple. mais de nous appuyer sur la vérité qui sort de ta bouche. Amen. Nourris-nous, Seigneur, chaque fois de cette seule vérité. Amen. Enrichis-nous en ta vérité. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et le bruit qui vient de collines et de montagnes ne sont que des mensonges. C'est toi, Seigneur Dieu, qui a fait le ciel et la terre. Il est le bouclier de tes croyants. Exauce la prière de chacun et conduis nos pas au lieu de satisfaction. Mais laisse aucun de nous errer ça et là. Ni promener des regards inquiets. Mais que chacun ait des convictions solides. Passer sur le roc de la parole. Le rocher immuable. Le fondement éternel. Que nous reposions toute notre confiance. Que toi Dieu te nous soutiennes. Depuis nous de tout ce qui est humain. Chacun est diabolique. Nous voulons la piété de Dieu. La portion de divinité au-dedans de chacun. Pour que nous soyons semblables à toi. Exauce nos prières. Purifie-nous dans ta présence. Lave-nous de toute saleté. De toute indignité. De toute incommodité. Nous voulons la piété de Christ. Amen. La sainteté qui vient de toi. Moi seul fabriqué par nous-mêmes. Seigneur, accueille les prières de chacun. Pardonne ses faiblesses, ses négligences, sa naïveté, le laisser aller, les légèretés comportementales. Nous voulons nous abstenir de diffuser des faux bruits. Amen. Et de parler des faux bruits. Pour nous amener au témoignage des méchants. Pour nous donner le bon témoignage. Laisse-nous ne donner que les témoignages. Parler des choses sûres. Des choses vraies que tu as parlé. Aide mon frère, aide ma soeur. Combien de fois nous sommes coupables. Mais c'est toi qui nous ramène à toi. Nous t'avons invité à revenir. Nous t'avons accepté de revenir. Nous voici, nous allons à toi. Et toi le Seigneur, notre Dieu. Un Dieu capable. Nous l'avons témoigné ce soir. Honore la foi de ceux qui croient. Bénis cette foi la terre de ta parole. Et puisses-tu changer la sécheresse en humilité. Arroser le cœur de tes enfants. Leur fournir ce qui leur manque. Le Dieu de Jean-Baptiste. Aussi le Dieu de William Branham. Le Dieu de son message. Réponds aux prières de tes enfants. Alors que nous croyons absolument sur toi. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Veillez ce soir. Et que Dieu salue. Et nous arrivons à la dernière étape. Il y a des salutations. Venant de notre prêcheur diacre qui est allé à mission de service.